métier, une passion, Annie Baglin. Comment êtes-vous devenue astronome? Eh bien, presque un peu par hasard. En fait, j'étais très intéressée par les mathématiques. J'ai fait des études de mathématiques. Et au cours de ces études, j'ai eu la possibilité de suivre des unités d'astronomie. Et ça m'a complètement passionnée. Je n'y avais pas vraiment pensé avant. Oh, je regardais toujours le ciel, poétiquement, disons, mais je n'avais pas pensé pouvoir faire une carrière en astronomie. Et donc, j'ai été un peu soutenue par mes maîtres à l'époque. Et donc, je suis passée des mathématiques à la physique. Ça a été quoi le déclencheur? Vous vous en souvenez? Oui, en fait, c'est les cours d'Evry Schatzmann. C'est les cours d'Evry Schatzmann à la fac, quand j'étais étudiante. L'homme qui, entre guillemets, a amené l'astrophysique en France. Absolument. Un prof, quoi. Un prof passionné, un prof... c'était un théoricien, pas du tout un observateur, mais passionné, passionnant et avec un sens physique remarquable. Et je crois que ce qui m'a énormément plu, c'est ça, c'est le sens physique. C'est la physique par rapport à la rigidité des mathématiques. J'ai aimé cet aspect physique et puis la possibilité de l'appliquer à quelque chose aussi poétique que l'astronomie, ça m'a beaucoup intéressée. Donc j'ai essayé de rester dans ce domaine et puis vu mon âge à l'époque, c'était plus facile que maintenant. Donc j'ai eu un poste et j'ai continué. Aujourd'hui, vous utilisez des instruments, hein, qu'ils soient dans l'espace ou au sol, pour regarder des objets physiques. Mais je veux dire, ce lien avec le monde réel, en tout cas pas le monde pensé, le monde de la pratique, pas le monde de la théorie... Quand vous étiez jeune enfant, est-ce que c'était quelque chose qui vous avait échappé ou est-ce que vous aviez cette curiosité aussi de la nature, le regard, si je puis dire, vers... Non, je pense que c'est vraiment mon métier qui m'a apporté ce goût pour les observations en tant que questionnement de la pensée, justement. Puisque j'avais plutôt été intéressée par les questions très théoriques au début de ma carrière. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que tout ça était extrêmement fragile et qu'il n'y avait qu'un juge de paix qui était la nature, vraiment la nature. Donc, il fallait l'observer. Et c'est comme ça que je me suis orientée petit à petit, tout en gardant des activités avec mon équipe d'interprétation théorique. Je me suis vraiment orientée vers l'observation. Et là, je me suis rendu compte que, en particulier en ce qui concerne les étoiles, on manquait vraiment d'outils. Et en particulier pour comprendre l'évolution des étoiles, l'évolution de la galaxie, l'évolution de l'univers, il fallait progresser sur les étoiles. Regarder leur peau, ça ne suffisait pas. Et bon, il y a eu aussi, c'est toujours un peu des convergences, ces choses-là un peu... Des événements imprévus, il y a eu brutalement la découverte des oscillations solaires, en fait de la sismologie solaire. Et là, je me suis dit, mais voilà, c'est l'outil qu'il nous faut, mais il ne faut pas le faire que sur le Soleil. Le Soleil est un objet unique, il faut le faire sur les étoiles. Une femme dans un milieu scientifique, est-ce que c'est une chose simple? Non, ce n'est pas simple. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que justement, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé dans l'environnement d'Evry Schatzmann, et Evry Schatzmann était très féministe et cherchait beaucoup à attirer des femmes. Donc dans le labo, on était nombreuses. On est aussi relativement nombreuses en astronomie par rapport à d'autres disciplines comme la physique théorique ou les mathématiques, où là c'est vraiment très dur. En revanche, on ne peut pas négliger que le sexisme ambiant rampe partout, tout le temps. Donc il faut se battre, il faut le savoir aussi et le prendre en compte. Mais enfin, c'est faisable. Moi, je ne peux pas dire que j'en ai vraiment beaucoup souffert. Quand vous dites partout, ça veut dire en France, à l'étranger, dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que ça s'est un peu amélioré ou pas? Écoutez, en France, je pense qu'on est quand même dans une situation privilégiée pour ça. Moi, je pense que ça ne s'améliore pas en ce moment et que plus la compétition est rude, ce qui est le cas de la recherche en ce moment, plus le sexisme ambiant revient. C'est-à-dire qu'on a, en ce moment, on recrute moins de... La proportion de femmes recrutées est inférieure à ce qu'il était il y a 10 ans. Et c'est un processus subtil et complexe auquel il est très difficile d'échapper. Comment ça procède? Eh bien, j'en sais rien, j'en sais vraiment rien. Je peux vous dire, je peux vous avouer quelque chose, c'est que j'ai été assez longtemps membre de section de d'organismes de recrutement. Et quand, par exemple, au bout de 5 ans, on a fait le bilan des recrutements auxquels j'avais participé, eh bien, j'ai vu qu'en termes de, de proportion homme-femme, ce n'était pas brillant. On avait privilégié clairement des hommes. Pourquoi ? C'est des questions qu'on se pose régulièrement, que je me pose dans d'autres activités, d'autres milieux. C'est compliqué. C'est de la culture profonde et c'est peut-être des réflexes. Alors ensuite, on peut se dire que c'est les critères qu'on choisit qui sont plus favorables à un certain type de personnalité qui est peut-être plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Et puis je crois qu'actuellement, c'est sûr que les choix que font les femmes en termes d'activité sont souvent plus sur la profondeur et pas du tout sur l'obtention de résultats rapides, le show-up, si j'ose dire. Donc, c'est peut-être moins privilégié dans notre système d'évaluation que les qualités qu'on rencontre plus souvent chez des femmes, bon, sans vouloir... À une jeune femme qui voudrait rentrer dans ce métier, faire ce que vous faites aujourd'hui, hein. Vous dites que c'était peut-être plus simple de rentrer à votre époque, mais quel conseil lui donneriez-vous ? De s'accrocher. De s'accrocher, de travailler beaucoup et de ne pas se laisser intimider par l'ambiance, c'est-à-dire d'y croire. Et je pense que c'est possible, mais c'est difficile. Et je crois qu'il faut savoir qu'il y a des obstacles à surmonter. Des récompenses aussi. Bien sûr. Vous savez, moi, en ce moment, je tends les bras et puis les cacahuètes tombent. C'est magnifique. Ça a duré 20 ans de combat. 20 ans de tentation. Mais ça, c'est une récompense extraordinaire. Et bon, les récompenses, elles sont là, bien sûr. C'est un travail difficile, mais c'est un travail extrêmement gratifiant. Bon, il y a des périodes de blues, hein, bien sûr. Il y a des moments où on trouve rien. Il y a des moments où on subit des échecs. Il y a des moments où on est... pas reconnu. Il faut tenir le coup, un jour ça vient si on est bon. C'est pas suffisant d'être bon en maths. Ah non, c'est pas suffisant d'être bon en maths, pour faire courant. Surtout pour faire... Là, vous avez fait de la politique, vous avez fait du financier, du management. Surtout au bout d'un moment, un travail de responsable scientifique comme celui que j'assume depuis maintenant 15 ans, c'est 95% de management. Beaucoup de ressources humaines. Non, c'est des métiers qu'on n'apprend pas, mais bon, ça on les fait. Pas, ouais. Ah ben non, enfin nous, on les apprend pas, mais on n'apprend pas non plus le secrétariat et on fait notre secrétariat. Donc il faut savoir tout faire. Le fait de travailler avec l'étranger vous a beaucoup apporté, cette vision de la façon dont travaillent les Américains, les Russes ou autres, c'est quelque chose qui vous a nourri aussi ? Ah oui, c'est très enrichissant, mais en fait, c'est une condition sine qua non de l'exercice de cette profession. Hein. On peut pas l'exercer si on est enfermé dans l'hexagone. Ça se partage. Ça se partage et surtout, ça se regarde, ça se confronte, en fait. Souvent, de façon sympathique, parfois de façon extrêmement dure. La compétition est là. Et il y a des combats qui ne sont pas toujours... qui sont souvent durs et pas toujours fair-play. Ça veut dire quoi ? Qu'on se ment, qu'on se vole, qu'on se dénigre ? Bien sûr, le vol des données est quelque chose d'extrêmement courant dans la science. Et ce qui, malheureusement, nous conduit parfois à des attitudes un peu protectionnistes qui ne sont pas toujours comprises. Mais, par exemple, imaginez que le premier transit découvert par Corot, on dise à tout le monde, voilà, c'est l'étoile, machin, coordonnées, alpha égale, delta égale. On est sûr que la découverte nous sera volée. Il y aura un collègue de, je sais pas, de n'importe quel pays, ou de Mars, peut-être, qui pointera son télescope dessus et qui, plus vite que nous, sans avoir confirmé forcément très, très précisément sa découverte, l'annoncera dans la presse et ce sera fini. Donc, on ferme parfois sa porte, alors que j'ai horreur de fermer les portes. J'adore vivre dans une maison ouverte, mais c'est la vie. Donc, le fameux « publish or perish » est toujours d'actualité dans le milieu scientifique. Ah ben oui, bien sûr. Et c'est compliqué parce que en fait, tous les scientifiques sont jugés sur leurs publications individuellement, alors que le travail est fondamentalement collectif. Corot, c'est 300 personnes qui ont travaillé pendant 10 ans. Alors, pas toujours à 100% de leur temps, mais c'est ça. Et sans cette quantité d'expertise, de compétences et de travail, c'est quelque chose qui n'aurait pas existé. Et au bout, les gens seront jugés individuellement. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir aujourd'hui de trouver avec Corot, de présenter comme résultat? Est-ce que c'est simplement le fait que ça fonctionne et que vous avez plein de données, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait personnellement et intimement plaisir? Écoutez, d'abord, ça fonctionne très bien. L'instrument fonctionne très bien. Il est parfaitement conforme à ce qu'on espérait. Et ça, c'est un plaisir extraordinaire. C'est aussi une grande reconnaissance pour tous les gens qui ont travaillé dessus et qui ont donné leur âme. Ça oui, mais pour vous. Mais pour moi, ben moi, je suis un peu la mouche du coche là-dedans. C'est-à-dire que ce qui me fait plaisir, c'est qu'on trouve des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, ce qui va me faire plaisir, c'est des choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que personne n'y a jamais pensé. Et ça me paraît être vraiment la recherche. Et je crois que c'est aussi une attitude vis-à-vis du travail et de la façon dont on travaille. Il faut être ouvert à tout ce qui peut se passer. Il ne faut pas chercher ce qu'on veut trouver. C'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Parce que, justement, on est aussi poussé par l'extérieur. À programmer. Vous ne pouvez pas obtenir d'argent pour faire un satellite si vous ne dites pas ce que vous allez trouver. Et oui. Si vous dites « Ah ben, je ne sais pas ce que je vais trouver parce que j'ai un instrument nouveau », vous ne serez jamais financé. Donc, vous êtes obligé de faire d'abord l'exercice qu'ils ont dit à dire « Je vais trouver ça » en fonction de ce qu'on sait déjà, ce qui n'est pas vraiment de la recherche. Et puis ensuite, ben, vous avez là les vraies données, la nature parle. Et alors là, elle dit ce qu'elle a à dire et ce n'est pas ce que vous avez dans la tête, forcément. Quand vous n'en pouvez plus, quand vous êtes crevé, fatigué, qu'est-ce qui vous nourrit encore? Ben, je pense à autre chose, je fais du yoga. Merci Annie Vaglin. Je vous en prie.